Damascar, la peux pas dormir sans masque. Ramène les deux une étoilée, remplis le chargeur, tu la scars. Je pense que ce soir y aura drap, les cadavres seront sous les draps. Je peux pas dormir sans masque, la peux pas dormir sans masque. Jaune, rouge, violet, arc-en-ciel dans les poches. Dans les poches, tout va bien, le quebleau est en cloque. Regarde dans le petit coin, les keufs nous prennent en top. Tu peux voir sur nos chaînes, on ne porte pas du toc. Pas du toc. On change de produit, on change aussi de méthode. De méthode. Et si à Dra, on fera pas les métaux. Je nique lui mon oseille pour des salopes. Hop, hop. J'en nique déjà tous les jours pour des clopes. Hop. Je fais le tour de Sani à la recherche de Scala. Je m'attire problème, les cups de Pana. Tu me cherches au quartier, c'est trop tard. Japonne avec mes assassins, japonne avec mes scalas. J'peux pas dormir sans mascara, j'peux pas dormir sans mascara. Ramène les douilles nettoyées, remplis le chargeur, tu l'ascas. Je pense que ce soir y'aura drap, les cadavres seront sous les draps. J'peux pas dormir sans mascara, j'peux pas dormir sans mascara. Je sais que je peux pas m'endormir sans mes billets, sans mes billets, sous ma dope. Histoire de pas m'ennuyer, pas m'ennuyer. Jour c'est jour de paye, c'est écrit sur le calendrier. Calendrier, quand t'es mort, tout le monde t'a oublié. J'peux pas dormir sans mascara, j'peux pas dormir sans mascara. Ramène les douilles nettoyées, remplis le chargeur du lâche-ca. Sans mascara, j'peux pas dormir sans mascara. Sans mascara, j'peux pas dormir sans mascara. J'fais tout de Sani à la recherche de Scala. J'm'attire problème, les cups de Pana. Tu me cherches au quartier, c'est trop tard, j'suis pas là. Japonne avec mes assassins, japonne avec mes scalas. J'peux pas dormir sans mascara, j'peux pas dormir sans mascara. Ramène les douilles nettoyées, remplis le chargeur, tu l'escalas. Je pense que ce soir y'aura